Bon fou voilà. 9h09 précise, propulsé au milieu d'un champ de ruines. Nouveau-né, j'ai fait mes premiers pas entre les mines. Avec un ventre beaucoup plus stock que le reste du corps. À 9 mois, j'ai pour la première fois bravé la mort. Mon village est ravagé par une guerre civile. Et mon visage reste marqué d'un air sinistre. Les nids d'angoisse sont rythmés par les bombardements. Et les puits regorgent de sang, les terrains de jeu sont remplis de cadavres. Et la moitié de la région est torturée en garde à vue. Grandir avec la peur, dominer cette peur. Et vous dominez avec cette peur. Afrique. Des eaux de crâne répandues un peu partout sur le macadam. Avec lesquels on joue l'insouciance en âme. Les moments de joie sont de courte durée interrompues par les bruits des rafales étouffées. J'ai pas beaucoup d'amis proportionnels à l'espérance de vie. Et tous les jours je perds des membres de ma famille. Opposition, milice, résistance armée. Maison balayée, famille décimée. Très vite les rues sont devenues très menaçantes. On raconte partout qu'on est cherché par les factions présentes. À présent il est question de quitter nos terres. D'abandonner derrière nous l'héritage de nos pères. Mais les affrontements font tant de victimes. Et l'armée rongée par la corruption et le crime. On doit courir. Allez vite mec. Le tonnerre gronde et le temps nous presse. Et du fond de mon cœur, je prie pour que tout ça cesse. Ils disent que j'ai pas le temps d'aller dire adieu. Et de leur existence de les confier à Dieu. Une dernière fois mes lèvres embrassent le sol. Comme j'avais l'habitude de le faire quand j'étais seul. J'oublierai jamais le visage plein d'envie de ceux qu'on a laissés. Qui me serrèrent dans leurs bras sans jamais parler. Explique-moi comment oublier un oncle, une tante, un cousin, un ami. Dont la vie a été prise. Après avoir traversé l'Afrique, nous voilà en France. Mais ici, flotte comme un parfum de différence. J'suis pas d'accord avec ce qu'ils racontent à l'école. Les rôles des blancs en Afrique et tout ce qui s'y colle. J'ai du mal, j'y arrive pas, mes yeux sont rongés par les secrets. Trop loin d'intégration et trop proche des décès. J'fais pas semblant, j'parle peu, j'arrive pas à sourire. Me confier à qui seul, j'suis habitué à souffrir. Et le soir, j'pleure et traîne sous les néons. Cogitant sur ce qu'ils racontent sur Napoléon. Ils font de grands criminels, grands héros. Je vais te raconter. J'aurais du mal à décrire, ça fait la force de mes idéaux. Pourquoi les frères peuvent lire en moi comme une vidéo. Quand ils ont débarqué, tétanisé. Les flammes ont dévoré mes pupilles quand ils ont crié. Ils ont giflé, renversé nos cantines. Menacé ma mère et sa fille avec un fusil. Ils faisaient des signes, laissaient glisser des doigts sur leur cou. Mon Dieu j'ai peur, ils vont nous tuer tous. Violence, menottes, hystérie, je grelotte. Maman est debout, mais je sais qu'elle suffoque. Je ressens un sentiment nouveau, je crois que c'est la haine. Ça monte en moi, je serai plus pareil. On traversait la forêt avec des bassines pour aller puiser de l'eau, faisant des prières pour pas qu'on nous assassine. On habitait dans une maison sans fenêtre, sans porte. L'ordre venait de la France de mettre des gens comme nous sur la corde. Légacé.